Tout s'évoquait devant la longue chasteté de Pierre. Ces 3 jours, ces 3 nuits, si âprement désirés, si goulûment vécus. Il se les imaginait au fond de cette chambre d'hôtel, les fenêtres et la porte close, dans l'ignorance où les bonnes elles-mêmes se trouvaient qu'une femme fût enfermée là. L'étreinte sans fin, le continuel baiser, un don de tout l'être, un oubli du monde, un anéantissement dans l'inextinguible amour. Il n'y avait plus de lieu, il n'y avait plus de temps. Rien ne restait que la hâte de s'appartenir encore. Et quel déchirement à l'heure de la séparation! C'était de cette cruauté qu'elle tremblait. C'était dans la douleur d'avoir quitté son paradis qu'elle s'oubliait. Elle si muette jusqu'à crier son mal. Se prendre une dernière fois aux bras l'un de l'autre, vouloir se confondre pour demeurer l'un dans l'autre, et s'arracher, comme si la moitié de votre chair s'en allait, et se dire que de longs jours, que de longues nuits se passeraient sans qu'on pût même se voir. Pierre, le cœur éperdu à l'évocation de ce tourment de la chair, répéta « Pauvre femme !»« Eh, monsieur l'abbé, continua-t-elle, songez à l'enfer dans lequel je vais rentrer. Pendant des semaines, pendant des mois, mon ciel se ferme. Je vis mon martyr sans une plainte. C'est fini encore une fois d'être heureuse. En voilà pour 1 an. Grand Dieu, 3 pauvres jours, 3 pauvres nuits par an. N'est-ce pas à devenir folle? De ma violence à en jouir et de ma patience à attendre qu'il revienne. Je suis si malheureuse, monsieur l'abbé. Ne croyez-vous pas tout de même que je suis une honnête femme ? » Il était profondément ému par ce grand élan, par cette fougue de passion et de douleur sincère. Il sentait là le souffle de l'universel désir, une flamme souveraine qui purifiait tout. Sa pitié déborda. Il fut le pardon. « Madame, je vous plains. Et je vous respecte infiniment. » Alors, elle ne parla plus. Elle le regarda de ses grands yeux, obscurcis de larmes. Puis, d'une brusque étreinte, elle lui saisit les 2 mains, les tint serrées entre ses doigts brûlants. Et elle partit. Elle disparut au fond du couloir, avec sa légèreté d'ombre. Mais, lorsqu'elle ne fut plus là, Pierre souffrit davantage de sa présence. Il ouvrit toute large la fenêtre pour chasser l'odeur d'amour qu'elle avait laissée. Déjà le dimanche, quand il s'était aperçu qu'une femme vivait cachée dans la chambre voisine, il avait eu cette terreur pudique, en se disant qu'elle était la revanche de la chair, au milieu de l'exaltation mystique de Lourdes l'Immaculée. Et maintenant, cette épouvante revenait. Il comprenait la toute-puissance, l'invincible volonté de la vie qui veut être. L'amour était plus fort que la loi. Peut-être n'y avait-il de divin que la possession. S'aimer, s'appartenir malgré tout, faire de la vie, continuer la vie, n'était-ce pas l'unique but de la nature, en dehors des polices sociales et religieuses? Un instant, il eut conscience de l'abîme. Sa chasteté était son dernier soutien, la dignité même de son existence manquée de prêtre incroyant. Il comprenait qu'après avoir cédé à sa raison, s'il cédait à sa chair, il serait perdu. Tout son orgueil de pureté, toute sa force qu'il avait mise dans son honnêteté professionnelle, lui revint. Et il se jura de nouveau de n'être pas un homme, puisqu'il s'était volontairement retranché du nombre des hommes. 7 heures sonnèrent. Pierre ne se recoucha pas, se lava à grande eau, heureux de cette eau fraîche qui achevait de calmer sa fièvre. Comme il finissait de s'habiller, la pensée de monsieur de Guersin se réveilla en lui, anxieuse, à un bruit de pas qu'il entendit dans le corridor. On s'arrêta devant sa porte. On frappa, et il alla ouvrir, soulagé. Mais il eut un cri de vive surprise. « Comment, c'est vous? Comment, vous voilà déjà levée à courir les rues, à monter voir les gens? Marie était debout sur le seuil, souriante. Derrière elle, sœur Hyacinthe, qui l'accompagnait, souriait aussi de ses jolis yeux candides. Ah, mon amie, dit la jeune fille, je n'ai pas pu rester couchée. Dès que j'ai vu le soleil, j'ai sauté du lit, tant j'avais besoin de marcher, de courir, de sauter comme une enfant. Et j'ai tant fait, j'ai tant supplié, que ma sœur a été assez aimable pour sortir avec moi. Je crois bien que je m'en serais allée par la fenêtre si l'on avait fermé la porte. Pierre les avait fait entrer, et une émotion indicible le serrait à la gorge, en l'entendant plaisanter si gaiement, en la regardant se mouvoir à l'aise, si vive, si gracieuse. Elle, mon Dieu, elle, qu'il avait vue pendant des années, les jambes mortes, la face couleur de plomb. Depuis qu'il l'avait quittée la veille dans la basilique, elle s'était épanouie en jeunesse et en beauté. Une nuit venait de suffire pour qu'il retrouvât, grandi, la chère créature de tendresse, l'enfant superbe, éclatante, embrassée si follement autrefois, derrière la haie en fleurs, sous les arbres criblés de soleil. Comme vous voilà grande, comme vous voilà belle, Marie, ne put-il s'empêcher de dire. Sœur Hyacinthe alors intervint. N'est-ce pas, monsieur l'abbé, que la Sainte Vierge a bien fait les choses? Quand elle s'en mêle, vous voyez, on sort de ses mains, fraîche comme une rose et sentant bon. Ah, reprit la jeune fille, je suis si heureuse, je me sens toute forte, toute saine, toute blanche, comme si je venais de naître. Et cela fut délicieux pour Pierre. Il lui sembla que ce qui restait encore là de l'haleine éparse de madame Volmar se dissipait, était purifié. Marie emplissait la chambre de sa candeur, du parfum et de l'éclat de sa jeunesse innocente. Et cependant, cette joie de la beauté pure, de la vie qui refleurissait, n'allait pas pour lui sans une grande tristesse. Au fond, la révolte qu'il avait eue dans la crypte, la blessure de son existence manquée, devait laisser son cœur à jamais saignant. Tant de grâces ressuscitées, toute la femme adorée qui renaissait en sa fleur, et jamais il ne connaîtrait la possession. Il était hors du monde, au sépulcre. Mais il ne sanglotait plus. Il goûtait une mélancolie sans bornes, un néant immense, à se dire qu'il était mort, que cette aube de femme se levait sur la tombe où dormait sa virilité. C'était le renoncement, accepté, voulu, dans la grandeur désolée des existences hors nature. Comme l'autre, la passionnée, Marie avait pris les mains de Pierre. Mais ses petites mains, à elle, étaient si douces, si fraîches, si calmantes. Elle le regardait, confuse un peu, avec une grosse envie qu'elle n'osait formuler. Puis, bravement, « Pierre, voulez-vous m'embrasser? Ça me rendrait bien contente. » Il frémit, le cœur broyé dans une dernière torture. Ah, les baisers d'autrefois, les baisers dont il avait toujours gardé le goût aux lèvres. Jamais plus il ne l'avait embrassée, et c'était une sœur aujourd'hui qui sautait à son cou. Elle le baisa bruyamment sur la joue gauche, sur la joue droite, tendant les siennes, exigeant qu'il lui rendît son compte. Deux fois, à son tour, il la baisa. « Moi aussi, je vous le jure, Marie, je suis content, bien content. » Et, brisée d'émotion, à bout de courage, pénétrée en même temps de douceur et d'amertume, il éclata en sanglots. Il pleura entre ses mains jointes, comme un enfant qui veut cacher ses larmes. « Voyons, voyons, ne nous attendrissons pas trop !» reprit gaiement sœur Hyacinthe. « Monsieur l'abbé serait trop fier s'il croyait que nous ne sommes venus que pour lui. Monsieur de Guersin est là, n'est-ce pas ?» Marie eut un cri de profonde tendresse. « Ah, mon cher père, c'est encore lui qui va être le plus content !» Pierre, alors, dut raconter que monsieur de Guersin n'était pas rentré de son excursion à Gavarnie. Son inquiétude croissante perçait, bien qu'il s'efforçât d'expliquer le retard, inventant des obstacles, des complications imprévues. La jeune fille, d'ailleurs, ne s'effrayait guère, se remettait à rire, en disant que jamais son père n'avait pu être exact. Elle avait pourtant une impatience si grande qu'il la vit marcher, qu'il la retrouva debout, ressuscitée dans sa jeunesse refleurie. Sœur Hyacinthe, qui était allée se pencher au balcon, revint dans la chambre. « Le voici! Il est en bas, il descend de voiture !»« Ah! Vous ne savez pas !» s'écria Marie avec une vivacité joueuse d'écolière. « Il faut lui faire une surprise !» « Oui, il faut nous cacher, et quand il sera là, nous nous montrerons tout d'un coup. » Déjà, elle entraînait sœur Hyacinthe dans la chambre voisine. Monsieur de Guersin, presque aussitôt, entra en coup de vent par la porte du couloir que Pierre s'était hâté d'ouvrir, et, lui serrant la main, « Enfin, me voilà ! Hein, mon ami, vous n'avez plus ce que penser, depuis hier 4 heures que vous devez m'attendre. Mais vous n'imaginez pas les aventures, d'abord. Une roue de notre landau qui s'est rompue en arrivant à Gavarnie. Puis, hier soir, comme nous avions fini par repartir tout de même, un orage épouvantable qui nous a retenus la nuit entière à Saint-Sauveur. Je n'ai pas fermé l'œil. » Il s'interrompit. « Et vous, ça va bien ?»« Je n'ai pas pu dormir non plus, dit le prêtre, tellement ils ont fait du bruit dans cet hôtel. » Mais déjà, monsieur de Guersin repartait. « N'importe, c'est délicieux. On ne peut pas s'imaginer. Il faudra que je vous raconte. J'étais avec 3 ecclésiastiques charmants. L'abbé des Hermoises est à coup sûr l'homme le plus agréable que j'ai connu. Oh, nous avons ri, nous avons ri !» De nouveau, il s'arrêta. « Et ma fille ?» Alors, derrière lui, il y eut un rire clair. Il se retourna. Il resta béant. Marie était là, et elle marchait. Elle avait un visage de gaieté ravie, de santé resplendissante. Jamais il n'avait douté du miracle. Il n'en était pas surpris le moins du monde, car il revenait avec la conviction que tout finirait très bien, qu'il la retrouverait sûrement guérie. Mais ce qui le retournait jusqu'au fond des entrailles, c'était ce spectacle prodigieux qu'il n'avait pas prévu. Sa fille si belle, si divine dans sa petite robe noire. Sa fille qui n'avait pas même apporté de chapeau, une dentelle simplement nouée sur son admirable chevelure blonde. Sa fille vivante, florissante, triomphante, pareille à toutes les filles de tous les pères qu'il enviait depuis tant d'années. « Oh, mon enfant! Oh, mon enfant !» Et comme elle s'était élancée entre ses bras, il l'étreignit. Ils tombèrent ensemble à genoux. Et tout fut emporté. Tout rayonna dans une effusion de foi et d'amour. Cet homme distrait, à la cervelle d'oiseau, qui s'endormait au lieu d'accompagner sa fille à la grotte, qui partait pour Gavarnie le jour où la Vierge devait la guérir, déborda d'une telle tendresse paternelle, d'une croyance de chrétien si exaltée par la reconnaissance, qu'il en devint un moment sublime. « Oh Jésus, oh Marie, que je vous remercie de m'avoir rendu mon enfant. Oh mon enfant, nous n'aurons jamais assez de souffle, jamais assez d'âme pour remercier Marie et Jésus du grand bonheur qu'ils me donnent. Oh, mon enfant, qu'ils ont ressuscité. Oh, mon enfant, qu'ils ont refaite, si belle. Prends mon cœur pour le leur offrir avec le tien. Je suis à toi, je suis à eux, éternellement. Oh, mon enfant chéri. Oh, mon enfant adoré. » À genoux devant la fenêtre ouverte, tous deux, les yeux levés, regardaient ardemment le ciel. La fille avait appuyé la tête à l'épaule du père, tandis que lui la tenait d'un bras à la taille. Il ne faisait qu'un. Des larmes lentes se mirent à ruisseler sur leur visage extasié, souriant d'une félicité surhumaine, tandis qu'ils ne bégayaient plus ensemble que des paroles désordonnées de gratitude. Oh, Jésus, merci. Oh, Sainte Mère de Jésus, merci. Nous vous aimons, nous vous adorons. Vous avez rajeuni le meilleur sang de nos veines. Il est à vous, il brûle pour vous. Ô Mère toute-puissante, ô divin Fils bien-aimé, c'est une fille et c'est un Père qui vous bénisse, qui s'anéantisse de joie à vos pieds. Cet embrassement de ces deux êtres, heureux après tant de jours noirs, ces bégaiements de leur bonheur comme trempés de souffrance encore, toute cette scène était si touchante que Pierre, de nouveau, fut gagné par les larmes. Mais c'étaient des larmes douces à présent, qui apaisaient son cœur. Ah, la triste humanité! Que cela était bon de l'avoir un peu consolée et ravie! Et qu'importait si ces grandes félicités de quelques secondes lui venaient de l'éternelle illusion? L'humanité entière, l'humanité pitoyable, sauvée par l'amour, n'était-elle pas, chez ce pauvre homme, tout d'un coup sublime parce qu'il retrouvait sa fille ressuscitée? Debout, un peu à l'écart, sœur Hyacinthe pleurait également, le cœur très gros, gros d'une émotion humaine qu'elle n'avait jamais ressentie, elle qui ne s'était connue d'autres parents que le bon Dieu et la Sainte Vierge. Un silence régna dans cette chambre frissonnante d'une telle fraternité trempée de pleurs. Et ce fut elle qui parla la première, lorsque le père et la fille, brisés d'attendrissement, se relevèrent enfin. « Maintenant, mademoiselle, il faut vite, vite nous dépêcher pour rentrer à l'hôpital. » Mais tous se récrièrent. « Monsieur de Guersin voulait garder sa fille avec lui. » Et Marie avait des yeux ardents de désir, une envie de vivre, de marcher, de courir le vaste monde. « Oh non, non !» dit le père, « je ne vous la rends pas. Nous allons prendre un bol de lait, car je meurs de faim. Puis nous sortirons, nous nous promènerons, oui, oui, tous les deux, elle à mon bras, comme une petite femme. » Sœur Hyacinthe riait de nouveau. « Eh bien, je vous la laisse. Je dirai à ces dames que vous me l'avez volée. Mais moi, je me sauve. Vous ne vous doutez pas de la besogne que nous avons à l'hôpital, si nous voulons être prêtes pour le départ. Toutes nos malades, tout notre matériel, enfin une vraie bousculade. » « Alors, demanda M. de Guersin, qui retombait dans ses distractions, c'est bien mardi aujourd'hui. Nous partons ce soir. » Certainement, n'allez pas oublier. Le train blanc part à 3h40. Et si vous étiez raisonnable, vous nous ramèneriez mademoiselle de bonne heure, pour qu'elle se repose un peu. Marie accompagna la sœur jusqu'à la porte. Soyez tranquille, je serai bien sage. Puis je veux retourner à la grotte pour remercier encore la Sainte Vierge. Lorsqu'ils se trouvèrent tous les trois seuls dans la petite chambre baignée de soleil, ce fut délicieux. Pierre avait appelé la servante pour qu'elle apportât du lait, du chocolat, des gâteaux, toutes les bonnes choses imaginables. Et bien que Marie eût mangé déjà, elle mangea encore, tant elle dévorait depuis la veille. Ils avaient roulé le guéridon devant la fenêtre, ils firent un festin, à l'air vif des montagnes, pendant que les 100 cloches de Lourdes sonnaient à la volée la gloire de cette journée radieuse. Ils s'exclamaient, ils riaient. La jeune fille racontait à son père le miracle avec des détails 100 fois répétés. Et comment elle venait de dormir 12 heures sans remuer un doigt. Puis M. de Guersin voulut aussi compter son excursion. Mais il s'embrouillait, il mêlait le miracle. En somme, ce cirque de Gavarni, c'était quelque chose de colossal. Seulement, de loin, on perdait le sentiment des proportions, ça semblait petit. Les trois marches gigantesques couvertes de neige, l'arête supérieure qui découpait sur le ciel le profil d'une forteresse cyclopéenne, aux donjons rasés, aux courtines déchiquetées, la grande cascade dont le jet sans fin semblait si lent, lorsque, en réalité, il devait tomber avec une violence de tonnerre. Toute cette immensité, ces forêts à droite et à gauche, ces torrents, ces écroulements de montagnes, avaient l'air de tenir dans le creux de la main quand on les regardait de la halle du village. et ce qui l'avait le plus frappé, ce dont il reparlait sans cesse, c'étaient les étranges figures que dessinait la neige, restées là-haut parmi les rocs, entre autres un crucifix immense, une croix blanche de plusieurs milliers de mètres, qu'on aurait dite jetée en travers du cirque, d'un bout à l'autre. Il s'interrompit pour dire « À propos, que se passe-t-il chez nos voisins ? En montant tout à l'heure, j'ai rencontré M. Vigneron, qui courait comme un fou, et par la porte entr'ouverte de leur chambre, il m'a semblé apercevoir Mme Vigneron très rouge. Est-ce que leur fils Gustave a eu encore une crise ?» Pierre avait oublié Mme Chaise, la morte qui dormait là, de l'autre côté de la cloison. Il crut sentir un petit souffle froid. « Non, non, l'enfant va bien. » Et il ne continua pas. Il préféra se taire. À quoi bon gâter cette heure si heureuse de résurrection, de jeunesse reconquise, en y mêlant l'image de la mort? Mais pour lui, dès cette minute, il ne cessa plus de penser à ce voisinage du néant. Et il songeait aussi à l'autre chambre, celle où le monsieur seul étouffait des sanglots, les lèvres collées sur une paire de gants qu'il avait volés à son ami. Tout l'hôtel revenait, avec ses toux, ses soupirs, ses voix indistinctes, les continuels battements de ses portes, les chambres craquantes sous l'entassement des voyageurs, les corridors balayés par le vol des jupes, par le galop des familles qui s'effaraient maintenant, dans la hâte du départ. « Parole d'honneur, tu vas te faire du mal !» s'écria M. de Guersin en riant, quand il vit que sa fille reprenait une brioche. Marie s'égaya, elle aussi. Puis, avec de larmes soudaines dans les yeux, « Ah, que je suis contente, et que j'ai de peine quand je songe que tout le monde n'est pas content comme moi !»